La liberté de la foi chrétienne et la joie de servir. Cette joie chrétienne permanente. Cette joie chrétienne continuelle. Comme tu as dit dans ta parole, soyez tous joyeux. Que nos cœurs soient consolés. Quand nous approchons de ton trône. Quand nous sentons le rayon de ta puissance. Le rayon de ta gloire. Le rayon de ta puissance. Et de ta présence même. Et cela console nos êtres. Pour nous rendre sur le cavalier. Parce que Jésus qui nous a aimés. Béni la prédication de ce soir. Laisse qu'elle trouve du terrain fertile. Le surnaturel de Dieu apprête le cœur de chacun. Devient pareil à une terre fertile. La semence ne peut pas manquer de se reproduire. Et que la semence de Dieu produira les résultats de Dieu. Dieu est le caractère. Le caractère de la parole que nous cherchons. Nous cherchons tant. Nous voulons être comme Christ. De la terre à la gloire. Dans les voyages de la vie. Sois notre guide, Seigneur. Sois notre maître. Toi, l'adorable. Toi, le vénérable. Toi, le véritable. Toi, l'unique sauveur du monde. Tu nous communies avec nos cœurs. Tu nous accordes un pas ce soir. Nous ne pouvons pas pour tourner. Nous allons lire la parole du Seigneur dans sa Sainte Bible, Matthieu chapitre 24. Nous lisons à partir du verset 36 jusqu'au verset 44. Matthieu 24, 36 à 44. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se marier et marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, les deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui mourront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissé. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit les voleurs doivent venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Nepona mokolo yango pe tango yango moto ayebite ata banje na likolo te ata mwana penza te kasi bokomi tata ayebi zambi lokola ezalaki mikolo na Noa oya na mwana na moto ekozala bongo ete na mikolo yango liboso na mpela monene Bajala ki kulia pe komela. Babala pe kobalisa kino mikolo eingela ki Noa na bwato. Bayeba ki likambo te kino eya ki mpela pe elongola ki bango yonso. Kuya na mwana na moto ekozala mpe bongo. Batomi bale bako jalana ilanda. Moko ako kamatama, mususu ako tikala. Basimi bale kotuta na epitelo, moko ako kamatama, pe mususu ako tikala. Boye bota la poete, boye bite soko kolo na bino ako ya na mokolo nini. Boye bande likando oyete. Soko mokolo na ndako, aye bakintango nini eko ya moibi. Mbe achenge limpe, atikali tete, moibi apunja ndako na ye. Bongo eko kina bino koselungwa, poete mwana na moto ako ya na tango, ikanisi bino te. Apocalypse chapitre 16, verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Apocalypse 16, verset 15. Kala na koya lokola moibi, esengora oyo akengeli mpe apateli bilamba na ye ete atambola bolumbu te mpe amona soni te. Jean chapitre 14. Yohane zomi na mine. Le verset 3. Bonga misato. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Amen. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et ce qu'on a kokenda, n'a qu'on bimise la bino et sika, n'a qu'on yali sous son pe, n'a qu'on yamba bino et pa inangai, et te sika et jalingai, bino boja la koana lokola. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Souhaitons à chaque âme la bienvenue à la table du Seigneur. Dans l'amour de la vérité. Nous sommes heureux de nous présenter devant Dieu. Car nous ne venons pas pour nous regarder les uns les autres, mais pour prendre conscience les uns des autres, de l'existence de l'un ou de l'autre, mais nous venons pour nous présenter devant Dieu. Qu'il nous enseigne ce foi. Qu'elle nous prononce sa parole, qu'elle nous fasse du bien. Que cette parole nous délivre, qu'elle nous pardonne nos péchés, amen. Qu'elle nous délie de tout lien du péché, que cette parole nous sauve, qu'elle sanctifie nos personnes, qu'elle les rende agréables au Dieu vivant. Que cette parole agisse dans nos vies. Elle a la vie en elle-même. Et elle est toute puissante à parole de Dieu. Alors nous sommes heureux de nous présenter devant Dieu. Comme nous avons commencé à parler mercredi, c'était des prédications transitionnelles dans le cadre d'entourer l'événement de la guerre d'Armageddon. Alors, l'esprit nous a conduit à dire un mot comme ça en passant. Et j'espère que chacun tire profit chemin faisant. Le mercredi, le petit sujet, qui est un grand sujet d'enseignement, mais nous l'avons donné sous forme d'une prédication. La seconde venue du Seigneur Jésus avec le nuée. Nous avons vu clairement qu'elle s'agissait de la venue du Seigneur Jésus aux Juifs. En Israël, Israël, sur la montagne des Oliviers, qui est située près de Jérusalem, et il y reviendra. Comme il était parti au ciel, à partir de la même montagne, dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, il a été élevé au verset 9, et les disciples étaient en train de le regarder, jusqu'à ce qu'une nuée l'a dérobé à leurs yeux. Ensuite, des hommes vêtus de blanc apparus. J'allais dire, hommes galiléens, pourquoi continuez-vous à regarder tout ce que vous avez? Verset 11. C'est Jésus qui a été enlevé du milieu. Reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. La promesse était formulée du haut de la montagne des Olives. Et là-bas, une nuée a dérobé le corps de Jésus au regard, aux yeux des disciples. Non pas des nuées, mais une nuée. Une nuée qui a dérobé le corps de Jésus pour que les yeux des disciples ne voient plus son corps. Et dans Apocalypse 1, verset 7, que nous avons étudié mercredi, il est écrit, voici, il vient, non pas avec les nuées, mais avec les nuées. Pluriel. La parole doit être crue et comprise comme elle est écrite. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont pressé. Et quand il viendra comme ça avec les nuées, ce sera certainement en Israël. Il n'y a pas à douter sur la montagne des Oliviers. Parce que dans la prophétie de Zacharie chapitre 14, 3 et 4, nous l'avons lu ici, comme je l'avais dit, nous l'avons déjà lu. Donc le Seigneur mon Dieu paraîtra. Il paraîtra. Dans sa puissance. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Voilà. La précision est déjà donnée et il n'y a pas moyen de confondre les choses. Vous commencez à mélanger ceci et cela. Que Dieu ait pitié de nous. Que nous puissions saisir et comprendre. Alors, ici dans Matthieu 24, on avait posé une triple question au Seigneur Jésus. Par les disciples de la parole. Matthieu 24. Verset 1 à 3. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Yesu abimaki na tempelo pe ajalaki kolongwa bongo baye kolina ye baye ipo na kotali sa ye ndako na tempelo. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Yesu azongiseli bango liloba ete bozali kotala oyo yonso boye nazali koloba na bino solo ete libanga moko ekotikala na mosusu te. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, encore elle. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, la même montagne toujours. Et là, il y a une importance prophétique, vous voyez, mes amis. Il est allé s'asseoir sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et le Seigneur s'est mis à répondre à cette triple question. Quand vous examinez toutes les réponses qu'il a données, pourquoi le chapitre là, du verset 4 là jusqu'à plus loin à la fin du chapitre, le Seigneur a ressorti les six sceaux qui sont dans l'Apocalypse. À travers les réponses qu'il a données. Il a donné les éléments relatifs au fils de la rédemption. Et il a omis volontairement le septième son. Lorsqu'il arrive à l'étape où il devait parler du mystère, il est allé vers une parabole. Et il a dit, instruisez-vous par une parabole tirée de ici. Dès que ce feuille devient tendre, c'est que ces branches sont poussées. Vous savez de vous en regardant que l'été est proche. Et même vous aussi. Quand vous verrez ces choses, comment ça s'accomplit? Vous savez que le Fils de l'homme est proche. Il est à la porte. Donc, ce sont là les éléments relatifs à sa seconde venue. Mais il a proclamé ses réponses étant assis sur la montagne des Solis. Et ce jour-là, la montagne n'avait pas connu un tremblement. Elle ne s'était pas fendue. Parce que c'était encore la prédication de grâce. C'était le message de grâce que le Seigneur annonçait à son peuple. Elle communiqua les prévisions des programmes de Dieu. Avant que ne vienne le temps de l'accomplissement. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, la question était triple. Hein? Comme on le voit au verset 3, deuxième partie. Si nous, quand cela arrivera, il restera pierre sur pierre. On est volé de la triple question. Et puis, le deuxième volet de cette triple question. Et quel sera le signe de ton avènement? Et troisième volet de la triple question. Et quel sera le signe de la fin du monde? Le Seigneur va répondre à cette question. Et Matthieu 24, il ne faut pas le sortir de son contexte. Une longue réponse à une triple question. Et chaque élément que vous y trouvez dans ce que le Seigneur a répondu ait un soubassement dans les questions même que les disciples avaient posées. Arriver à relier chaque élément de réponse avec la sous-question appropriée, à laquelle la réponse se rapporte. Car si vous ne pouvez pas le faire correctement, alors vous êtes allé à côté et vous n'avez pas compris. Ni le chapitre 24, ni les réponses, ni même la question des disciples. Que Dieu soit miséricordieux envers chacun de nous. Vous savez, la parole prophétique est la parole la plus complexe. La doctrine, n'importe quel intellectuel peut se débrouiller, aller relier des versets comme il veut. L'histoire, bon, on a des historiens qui racontent des histoires qui peuvent aller lire des chapitres et commencer à répéter ça. Mais la parole prophétique. Ah! Il faut avoir les dents pour manger là-bas. Il y a des choses qui se ressemblent mais qui ne sont pas la même chose. Et qui ne se rapportent pas au même événement, ni à la même date, ni à la même période. Et Dieu soit miséricordieux. Pour faire comprendre à ses enfants ce qu'il a mis. Alors, parmi les réponses qui ont été données, je vous invite ici à aller au verset 27. Verset 27 à 30. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Avènement. Comme l'éclair part de l'Orient. et se montre jusqu'en Occident. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et maintenant la question, ce verset 27 par exemple, se rapporte à quelle sous-question? Là, au verset 3. À quelle partie de la triple question des disciples? Jésus ne parlait pas en l'air, il était en train de répondre à une question précise. Même que l'Assemblée parlait en vrac, l'Assemblée dit les choses en vrac, mais les réponses se rapportaient à des questions précises. Il est même le maître de la maîtrise. Le chef de la compétence. Le roi de la sagesse. Le plus intelligent que tous. Il a une parfaite maîtrise de tout. Et il sait mieux répondre aux questions que quiconque. Alors, répondis au verset 27. Parle de clair, parle de l'Orient. Et se montre tout en Occident. Et ici sera l'avènement du Fils de l'homme. Allez-en, de vous-même au moins dans la facilité. Ça se rapporte à quelle sous-question? Il y avait trois sous-questions. Quand est-ce qu'il ne restera plus pierre sur pierre? Concernant le temple de Jérusalem. Quand? La question de quand est-ce que ça va se faire. Deuxième sous-question. Quel sera le signe de ton avènement? Et troisième sous-question. Quel sera le signe de la fin du monde? Trois questions capitales importantes. Comme l'éclair parle de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Cette réponse se rapporte à quelle sous-question? Deuxième sous-question. C'est quand même facile, non, de faire une petite qui nous compare trop lisible. Dans le verset 27, il est parlé de l'avènement. Et là-bas, parmi les trois sous-questions, une seule a trait à l'avènement. Alors, maintenant, vous le voyez ici parler de l'avènement. Ça, c'est à ramener à la sous-question relative au signe de son avènement. Amen. Avançons. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Et si Kanini, vous allez bendevana, bimbombo, ikoyangana. Cela aussi se rapporte à quoi? Cet événement ici, Itamboyo, le rassemblement des aigles, yaba, est-ce que ça se rapporte à la sous-question sur quand est-ce qu'il restera plus pierre sur pierre au temple de Jérusalem, ou à la sous-question de savoir quel sera le signe de la fin du monde? Wana ele morine, kozala puna suka na mokili. Le rassemblement des aigles. Cette envie de quoi? Cela enlèvement. Selon Luc 17, verset 34. Le rassemblement des aigles s'effectuera dans en prévision de leur enlèvement au ciel. Or cet enlèvement se fera lors de l'avènement de Jésus-Christ. Par conséquent, le verset 28 se rapporte également à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Oh. On avance. Verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel. Et les puissants fichiers seront ébranlés. Noki noki si manapasi na mikolo yango. Moi eko yinda pe sanza eko pesa pole na yango te. E mioto eko kweya kweya. Longa na likolo. Po nguya na lola eko tetema. Job, aussitôt après ces jours de détresse. Dans l'autre traduction de ce verset, il dit, aussitôt après ces jours de tribulation. Aussitôt après ces jours de tribulation. Le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tombent dans le ciel. Et les puissances des cieux seront ébranlées. Ça, ça se rapporte encore à quoi? À quelle succession? Dans la pré-tribulation. Après la tribulation. Parce qu'il est dit aussitôt après ce jour de tribulation. Alors, parole prophétique. On avance. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Amen. Verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus de quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. A kofin da pe banje na ye na mo ngongo na mo ndule monene pe akoyanga ni fa pona mina ye longa na mipepe mine longa na molelo na moko na ikoloti mo na molelo kisu. Je vous ai dit mukua, c'est un os dans la parole prophétique. Parce qu'il y a des indications précises. Demande la maturité pour saisir ce que c'est que ce passage. Vous voyez le verset 31 que nous venons de lire. Il est dit, et il, lui le Fils, il enverra ses anges. Avec une trompette retentissante. Le prophète dans le 7e saut. Il est remarqué ici, au verset 31. Il est écrit qu'il enverra ses anges. Il dit, le pluriel, il dit parce qu'il y en a deux. Donc les anges ici dont il est parlé dans ce verset. Branham montre que ce sont les deux témoins d'Apocalypse 11. Le vrai prophète dont nous avons parlé, Moïse et Élie. Dites-moi ça, révélation, comment tu vas déchiffrer ça? Tu vas te mettre à lire, plus haut. La Bible a dit les anges, oui, les anges. Dieu a des milliards d'anges de frères. Et vous allez lire notre verset des milliards d'anges. Oui, des milliards d'anges. En train de vous embrouiller. Il est dit ici qu'il enverra ses anges. Avec une trompette retentissante. Non pas une trompette de jugement. Mais ce sera la trompette de l'évangile. Deux anges ayant une même trompette. Or quand il est question des anges qui doivent exercer le jugement de Dieu sur la terre, dans Apocalypse au chapitre 8, après l'ouverture du 7e saut, au premier verset d'Apocalypse 8, vous verrez aussitôt le décor changer du verset 2 au verset 5. Nous avons écrit le dernier scénario, mais à partir du verset 6 et suivant, vous avez les vous allez banje sambo. Qui vont sonner successivement avec trompette. Et vous verrez que ces sept anges-là ont chacun une trompette. Et que pour les sept anges, il ne s'agira pas d'une seule trompette répandue. Mais il s'agira de sept trompettes différentes. Chacun tenait une trompette. Il s'était à sept et il y avait sept trompettes. Cet ange, Ce soir-là, est-ce que cette trompette leur survenait? C'est ce qui est écrit. Mais dans Matthieu 24, verset 31, c'est l'heure qui est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme qui était venu pour sauver tout ce qui était perdu. Il n'était pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Lui, le Fils de l'homme. Dans Matthieu 24, verset 31, il enverra ses anges avant qu'ils soient prêts à être puissants. C'est comme plusieurs anges maintenant une même trompette. Il s'agit de deux prophètes, Apocalypse 11. Et les génies dont il est parlé là-bas, ils doivent être rassemblés. Ce seront les 144 000 Israélites. Ce ne sont pas les gens de nation. Imaginez. Sans révélation. Parce que tu es allé voir les cours de mariologie. Où tu as appris la théologie de la faculté de théologie de l'université Simon Kimbangu. Ou l'école de théologie qui est fixée à venir même sur Bela. On forme des doctorants en théologie. Vous pensez quelque part. Pensez-vous qu'avec ça vous allez décevoir ce groupe? La parole vient au prophète. Amen. Je ne fais rien sur terre sans avoir révélé ce secret à ses serviteurs, les prophètes. Voilà pourquoi celui qui reçoit un prophète, un qualité de prophète, recevra la raison par ce prophète. Amen. Par un prophète, Dieu a pris Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Il est Jéhovah, le Dieu immuable. Hein? Il est le même Dieu dans tous les âges. Jusqu'à maintenant. Il garde encore son peuple par la parole prophétique. Vous devez avoir la maturité. Il enverra ses anges avec une trompette. La trompette. La trompette de l'évangile qui sera révélée. Et ils rassembleront ses élus. Les élus d'Israël. De quatre vents. Et d'une extrémité des cieux à l'autre. Les 144 000 sont rassemblés sous la prédication de Moïse et d'Élie. Êtes-vous là? Ça, c'est ce qui est dit au verset 31. Remontons maintenant au verset 30. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Nous n'avons pas sur le signe du Fils de l'homme. Il est parlé de toutes les tribus de la terre qui se lamenteront tout court. Il y a d'abord le signe du Fils de l'homme qui paraîtra dans le ciel. Et il y a ensuite toutes les tribus de la terre qui se lamenteront. Et conjonction. Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées plurielles du ciel avec une puissance et une grande gloire. Et dans ce verset, le signe du Fils de l'homme qui doit être est différent de la venue même du Fils de l'homme. Le signe du Fils de l'homme doit apparaître. Ça, c'est une prochaine chose. Mais elle ne peut pas. Les tribus de la terre se lamenteront. Là, c'est aussi un événement. Mais les tribus qui se lamenteront, elles verront le Fils de l'homme. Faisant quoi? Venant. Non pas par les temps. Mais venant, il s'agit d'une venue. Il dit avec quoi? Sur des nuées. Non pas une seule nuée. Mais plus que nuée. Sur les nuées. Ciel. Avec puissance et une grande gloire. Mes chers amis, Baninga, la parole prophétique. Vous voyez le verset 30 qui vient avant le verset 31. C'est une chose. Et le verset 31 est venu après le verset 29. Et le verset 29 écrit ce qui se passe après les jours de tribulation. Mais le verset 31 décrit ce que les deux témoins feront, les deux prophètes. Il vous faut la grâce de Dieu pour comprendre la parole prophétique. C'est disposé dans les mathématiques de la révélation. Avec le secret de Dieu qui plane partout. Écoutez, le verset 29, décrit ce qui se passe après les jours de tribulation. Le verset 31, décrit ce qui arrivera avant la grande tribulation. Maintenant, entre les deux, il y a le verset 30 qui annonce trois choses. Il y a l'apparition du signe du Fils de l'homme. Il y a la lamentation de toutes les tribus de la terre. Mais aux lamentations est couplée la venue du Fils de l'homme sur les nuées, avec puissance et une grande gloire. Or, dans Apocalypse 1, au verset 7, il y a une lamentation qui est couplée à la Apocalypse 1, au verset 7, nous l'avons commenté mercredi avec le message à l'appui. La parole nous dit ceci, on peut le rappeler encore. Comme Dieu est si bon, voici il vient avec le nuée. Encore la plurielle. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont péché. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Non pas à cause de son signe, parce qu'il n'est pas réponse de son signe. Ici, il est question de lui-même. Et quand il viendra, avec les nuits, tout œil le verra. Et les tribus de la terre toutes se lamenteront. Voyez les deux événements reliés ensemble. Les tribus de la terre qui se lamentent à cause de lui. Ici dans Apocalypse 1 verset 7. Et lui il vient sur le nuit. Mais dans Matthieu 24, le verset 30, il y a d'abord le signe du Fils de l'homme qui devait paraître dans le ciel. Là. Ensuite, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et aussitôt après avoir annoncé les lamentations des tribus de la terre, on dit, elles feront le Fils de l'homme venant. La venue du Fils de l'homme n'est pas synonyme de l'apparition du signe du Fils. Est-ce que c'est facile à voir pour tout le monde? La venue, c'est la venue. Oui. Le signe, c'est le signe. Un signe est un signe. Alors, bongo. La question était, quel sera le signe de ton avènement? Et le Seigneur, en parlant, en répondant à cette question, il a ramassé, il a donné le signe de l'avènement, et en même temps, il a ajouté la pensée précise sur sa venue elle-même. Et maintenant, quand vous regardez dans Matthieu 24, le verset 30, Et elles verront le Fils de l'homme venant sur le niveau du ciel avec puissance et une grande gloire. Apocalypse 1, verset 7, il vient avec les nuées et tout ça il le verra, même ce qui l'a passé. Et conjonction de nouveau. Comme dans Matthieu 24, il y a la conjonction qui relie la pensée de sa venue à la pensée de lamentation de toutes les tribus de la terre. Êtes-vous là? La conjonction qui relie la pensée de la venue du Dieu Tout-Puissant, qui est le Fils de l'homme, avec la pensée de toutes les tribus de la terre qui doivent se lamenter. Et la même vérité apparaît dans Matthieu 24. Seulement, dans un ordre inversé. Apocalypse 1:7, l'on mentionne d'abord la venue, et ensuite les lamentations de toutes les tribus de la terre. Mais dans Matthieu 24, l'on annonce d'abord les lamentations de toutes les tribus de la terre, et ensuite on y relie la venue du Fils de l'homme. Deux choses reliées dans la seconde venue de Jésus-Christ avec les nuées ou sur les nuées. Et ce sera sur la montagne qui est située près de Jérusalem, là au pays d'Israël. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Amen. En 1963, le 26 février, un événement historique s'est produit. Que la plupart des croyants du message connaissent bien. Et vous avez ça. Vous vous rappelez? Ceci, est-ce que ce sont deux nuées ou une nuée? Deuxièmement, l'assemblée du message. Surtout, il est parlé de ça. Est-ce deux nuées plurielles ou une nuée? Lisez Branham partout. Je mettrai au défi quiconque. En 1963, c'était une nuée. Et en accord avec ça, j'aime souvent vous donner les bases bibliques. Pour que notre foi ne flotte pas à n'importe quelle philosophie. Mais que nous restions fondés dans la parole. Êtes-vous là? Dans Exode, au chapitre 19, le Seigneur avait parlé à Moïse, le Dieu de Moïse, et il avait dit ceci au verset 9. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Exode 19, verset 9. Combien de nuées? Combien? Monsieur, ne vous dites même une épaisse nuée. Vous voulez changer ça en plusieurs? Gardez la parole comme elle est écrite. Ça, c'était dans le cadre du ministère de Moïse et le prophète. Où le Seigneur, son Dieu, est venu à lui. Il est venu à lui, son prophète. Pour encourager la confiance du peuple envers le prophète. Pour motiver la confiance du peuple envers le messager. Il est venu à lui. Et il lui a annoncé d'abord. Et à cette occasion-là, le peuple devait rester tenu dans l'éloignement. Dieu n'a pas voulu que le peuple accourt là au bas de la montagne. Oh, mes chers amis. Regardez ce que Dieu a fait ce jour-là. Au verset 20. Non, d'abord verset 11. Qu'il soit prêt pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Verset 12. Tu fixeras au peuple des limites tout autour. Et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher les bords. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Okopima ndelo na kozinga ngomba pona bato pe okoloba ete ke ba ete bobuta ngomba te pe bomama ndelo yango te lokola soko nani akomama ngomba akobomama. Verset 17. Dominatango. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. Na sima Mose abomisaki bato na molako ete et le verset 20, ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. Pas plusieurs personnes, mais un seul individu. C'est lui pour qui Verset 23. Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur le mont Sinaï, car tu nous en as fait la défense expresse en disant, fixe les limites autour de la montagne et sanctifie-la. Mose a levé la kia ou eti. Bato bako si te koutan ngomba tse sinai. Te ete yo penja ou leva ki biso ete. Bojin dan ngomba nan delope. Bopo lita yango. Le verset 24. Tukumi balen amine. L'Éternel lui dit, va, descend. Tu monteras ensuite avec un rond. Mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. Yahweh a levé la qui est ici. Kita, te bouta, na alona elongo. Et si ka banganga te, batoba poussana, na libosso po na te bouta et paina yahweh te. Et te, akwe la bangote, et paina yahweh te. Et que la bangote. Que Dieu pouvait les frapper de mort. Il a appelé Moïse seul. Il a ensuite permis à Moïse de parvenir avant son frère. Ça s'arrêtait là. Tous les autres sacrificateurs servis dans l'éloignement. Voilà ce qu'il y a eu. Maintenant, vous voyez que avec Dieu. Vous ne pouvez pas juste dire, j'ai vu la nuée, c'est pour moi, je vais y entrer. Il va mourir. ta famille va te perdre. Et ce ne sera pas la fin du monde. La vie va continuer. Craignez Dieu. Or, ce que Dieu a fait avec Moïse, il l'a répété avec William Branham. Sur la montagne du soleil couchant. Frère Branham a dit, dans les sermons, Dieu dévoilé. Il dit que les sept sceaux que vous avez reçus doivent être considérés par nous comme comparables aux dix commandements que Moïse avait ramenés à Israël. Or, quand Dieu traite tout ce qui est traité ici, dans l'Exode 19, il est préparé de communiquer à Moïse les dix commandements. Au chapitre 20. Mais avant de révéler ces paroles hautement sacrées, pour que Moïse aille les rapporter au peuple de Dieu, il est venu d'abord à lui dans une espèce. Il lui a parlé. Et le peuple a gardé souvenir. Pour lui faire confiance. Ensuite, les dix commandements ont été promulgués. Et Moïse les a rapportés au peuple que Dieu lui avait communiqué. En 1963. Le même Dieu de Moïse qui ne change pas. Il a annoncé à Frère Branham de se préparer. Car dans 7 jours, il allait recevoir la visitation de cet ange. Mais Dieu ne lui a pas dit comme à Moïse, je viendrai à toi dans une espèce minute. Il lui a annoncé la visite des anges. Quand les anges sont venus, Dieu a créé la surprise. C'est la nuée de gloire que vous voyez. Qui était devenu un qu'est-ce que c'est. Et qui demeure un qu'est-ce que c'est pour plusieurs personnes. Les scientifiques se questionnent. Mais l'église épouse possède la réponse. Car à toi, comme à Abraham, Dieu n'a rien pour lui cacher. De tout ce qui était nécessaire pour ton voyage, pour ta préparation, l'Éternel a tout révélé. Que son nom soit adoré. Mais il est venu d'abord à William Branham. Il ne pas William Branham. Il m'a parlé du sein de cette nuit. Retourne à Jefferson Ville. Et là, les sept sceaux d'Apocalypse seront révélés. C'est après cet événement. Dans le cadre du ministère du messager de Dieu, William Branham, les révélations de cette sceaux ont été communiquées par l'ange qui venait voir le prophète Jean. Après jour, le Dieu de la Bible dans ses caractéristiques. Il est le même identifiable. Quand tu n'arrives pas à croire ça, c'est qu'alors tu es le plus malheureux des hommes. Ton aveuglement commence à déborder. Et à ta société, s'il vous plaît, Dieu a parlé dans cet âge. Il y a un message divin dans ce passage. Comment ça de Moïse? Il y en a un autre maintenant. Ils selon les promesses du Seigneur. Et ce signe où vous ne voyez pas tout le corps de Jésus. Vous voyez quelques parties de son corps en image. Vous voyez ça? C'est le signe de sa présence. Confirmation du Fils de l'homme. Qu'il est le Dieu suprême. La divinité suprême. Il est celui qui est assis à la majesté. À la main droite du Dieu suprême. Et là-dedans dans la divinité, vous ne voyez pas trois figures, mais une seule figure. Car Dieu n'est pas trois personnes, mais il est une seule personne. Et ce message-là est le message de restauration, rétablissement de la vérité sur la divinité. divinité suprême. La confirmation que le messager Branham a enseigné la vérité biblique. La vérité spirituelle et la vérité céleste au sujet du véritable Dieu. Il en avait toujours parlé, mais en ce jour-ci, il est apparu. Dieu de la Bible, photographié pour la première fois de l'histoire. Dans les sermons de le lever du soleil, Abraham nous encourage. Elle dit, l'évangile c'est la bonne nouvelle. Il est ressuscité de mort. Il est déjà venu. Il n'y a pas de « il se pourrait qu'il vienne » ou « qu'il viendra pour que vous continuez à ça ». Il est déjà fait. Jésus-Christ là, Jésus-Christ, que les gens attendaient depuis la fin. Que tous les saints de l'Ancien Testament attendaient. Au sujet duquel même Jean-Baptiste a envoyé des délégués. Pour dire que c'est lui qui doit venir. Nous allons nous en attendre un autre. Quand il a eu les doutes au sujet de pouvoir. Le frère de Jésus là est très chapé. Quand en Israël. Amen. Il est déjà venu. Asila Yikoya. En Israël. Mais dans la même prédication. C'est le lever du soleil. Le Branham dit que ceci. Voilà le bio. Ceci ici. C'est la confirmation du message que nous prêchons sur la divinité. Le Fils de l'homme, il est Dieu. Est-ce que tiens, nous croyons la même chose dans la Bible? Dans Actes des Apôtres au chapitre 7, qu'est-ce que Stéphane a dit? Actes chapitre 7, il dit ceci, verset 55 et 56. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, il vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Le Stéphane a tombé dans le livre mon santo. A tali l'icolote à mon incendie en Zambé. Na Yesu, côté le ma, na le boko en Zambé, na mobali. Et il dit, voici je vois les cieux ouverts. Et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors vous êtes dans mon incolo, l'isipuite, moi dans la moto. La droite, c'est la puissance, c'est la majesté. Voilà la grande puissance de résurrection. C'est elle qui a révélé le secret. C'est la puissance de résurrection. Dans celui-ci, il y a assez de puissance pour vous sortir du tombeau. Même si vous mourrez aujourd'hui, c'est la puissance suprême de la divinité. La grande puissance de résurrection qui vivifiera tout ce qui s'est meurt, qui donne vie à toutes choses, qui guérit toutes maladies. Amen. Vous l'avez ici, vous allez en dans le signe du Fils de l'homme. Il est apparu là au ciel. Êtes-vous là? C'est un signe qui nous sera donné, montrant que la venue du Seigneur est très proche. C'est l'apparition du Seigneur, le ressuscité, apparu pour assurer le foyer des dernier jour. Mais le message qu'il a donné, c'est son véritable message. Et Ali Sangouy a fait un peu de temps. Le Fils de l'homme à la voix de Dieu. Qui est là-haut? Il est ici. Adali Awa. C'est son message. Ali Sangouy a fait ça. Il prépare quoi? La seconde venue de Jésus-Christ. Et il va aller à Jésus-Christ. Oh. La seconde venue de Jésus. Oui, il va aller à Jésus-Christ. Ok. C'est le même Dieu. Le 18 juin 1933, il a donné la première commission de William Branham. Êtes-vous là? Et cette première commission consistait à dire même que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première commission. Et t'envoie avec un préparera ma seconde venue dans le monde. Kati na mokili. Pas en Israël. Aïkalelete. Mais dans le monde. Kati na mokili. Pas en Israël. Aïkalelete. Mais dans le monde. Kati na mokili. Et tu vois là? Tu vas aller c'est là.